Je suis ce que je suis. Je me fous de ce que vous pensez, à certains moments cela m'a blessé. Mais les gens à la langue de vipère, il en faudra toujours sur terre. Je suis ce que je suis. Je suis pas né pour te plaire, je suis pas né pour me taire. Alors je le dis au fort, c'est vous qui avez tort. Je suis ce que je suis. Je me fous de ce que l'on ait dit, car ce n'est que de la jalousie. Des mots de petites filles et de petits garçons qui ont gâché leur vie. Oui, je suis ce que je suis. Libre à vous de penser ce que vous voulez de moi. Moi, je sais que je ce que je vaux. Je m'en fous de ce que tu crois. Je suis un mec libre et j'ai des amis sur qui compter, qui me demanderont jamais de changer. Non, car je sais que je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Je suis.